الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد أيها الناس إن الكذب من أقبح الأخلاق وأبرز أوصاف المنافقين وقد كانت العرب تتحاشاه قبل الإسلام وهم في الجاهلية الكذب يفتح على صاحبه الشر كله حتى يجره إلى النار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل أو ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم الكذب من صفات أخبث الخلق المنافقين الذين قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان صاحب الكذب حقير في الدنيا ذليل في الآخرة لا وزن له عند الناس لا يصدق فهو غير آمن وعند البخاري أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا قال فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلاب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقيه وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه قال ربما قال أبو رجاء فيشق قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت سبحان الله ما هذان وفي نهاية الحديث هذا هو الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق تبلغ الآفاق فهذا عذابه والعياذ بالله هذا جزاء الكذابين الأفاكين الكذب إخبار بخلاف الواقع وأعظم أنواع الكذب الكذب على الله تعالى رب العالمين والكذب في دينه قال الله ومن أظلم ممن افترى على الله عفوا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين كمن يقول أمر الله بكذا أو نهى الله عن كذا أو فسر القرآن بغير علم ولا بصيرة بل باتباع الهوى. قال الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن سور الكذب الشنيعة القبيحة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري ومسلم، وهذا الحديث متواتر. ومن سور الكذب الكذب على ورثة الأنبياء، على ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء في ديننا معززون مكرمون محترمون، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. وهذا دأب أهل البدع والمحدثات وأهل الأهوى من مرضة القلوب. ونسأل الله عز وجل أن يطهر المجتمع ممن كذب على أهل العلم. إذن من سور الكذب الكذب على ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء، علماء أهل السنة، بأن ينسب إليهم ما لم يقولوا من الأقوال والفتاوى. وهذا في الغالب يصدر من أهل البدع وأهل الأهواء، ونعوذ بالله من ذلك. ثم الكذب على الناس، بعض الناس يكذبون ليأخذوا حق الناس أو يمنعوا حق الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وفي نهاية الحديث: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. الحديث. إذن من سور الكذب الذي يكذب ليأخذ حق الناس أو يمنعهم حقهم. ومن الكذب الكذب في البيوع والمعاملات، كمن بالغ في وصف السلعة ليرغب فيها المشتري. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التجار هم الفجار. رواه أحمد. ومن سور الكذب إخلاف الوعد لغير عذر أو ضرورة. ومن سور الكذب الذي انتشر في هذه الآونة الأخيرة الكذب لأجل إضحاك الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. رواه أحمد. ومن سور الكذب التمثيل، التمثيل، ولن يكون التمثيل من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أبدا، بل هو طريقة مبتدعة لا تقوم به دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مبني على الكذب كما قال علماؤنا. وكما أن الكذب يكون باللسان يكون أيضا بالأقوال، والنيات. عباد الله، عاقبة الكذب مرة، عاقبة الكذب سيئة جدا، فأول من تسعر بهم النار الشهيد والمنفق والعالم، حين يدعي كل منهم أنه فعل عمله لله، فيقال لكل واحد منهم يوم القيامة: كذبت، ومصيرهم إلى النار والعياذ بالله. انتبهوا إلى نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات الباطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. فإياكم والإشاعات ونقل الأخبار، لا سيما من أهل الفتن، أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء. ومن ترك الكذب، ومن ترك الكذب لله عز وجل، اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بشارة له: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. وهذا راجع إلى تربيتنا لأولادنا، هذا راجع إلى تربيتنا لأولادنا. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، اعلموا أن شرعنا الحكيم رخص في الكذب في بعض الأمور المعينة كالحرب، فهو خدعة، وإصلاح ذات البين، وحديث الرجل لأهله، وحديث المرأة لزوجها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر ألسنتنا من الكذب. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، القائل: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، sachez chers frères que parmi les plus grands défauts que peut porter l'homme, il y a le mensonge. Parmi les caractéristiques les plus propres aux hypocrites, il y a le mensonge. Et parmi les meilleures qualités de l'homme, il y a la véracité. Le fait d'être véridique et de ne dire que la vérité. Et c'est pour cela que l'islam nous a appelés à toujours être véridiques, à nous préserver et nous éloigner du mensonge et des menteurs. Avant même l'avènement de l'islam, les Arabes avaient honte du mensonge. C'est pour cela que lorsque Abu Sufyan radiallahu anhu s'est retrouvé devant An-Najashi avant même d'être musulman, il n'a pas osé mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'était une honte avant même l'avènement de l'islam. Le mensonge pousse la personne à tous les défauts, à dépasser toutes les limites, pour au final finir en enfer, qu'Allah nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes la véracité pousse au bien, et certes le bien tire la personne vers le paradis. Et la personne ne cesse d'être véridique et de tout faire pour être véridique jusqu'à ce qu'Allah l'inscrive parmi le, ou bien au nombre des véridiques. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et certes le mensonge guide vers la transgression, et la transgression mène en enfer. Et la personne ne cesse de transgresser, de dépasser les limites. Ou bien la personne ne cesse de mentir et de viser le mensonge avec ses propos jusqu'à ce qu'elle soit inscrite parmi les menteurs, au nombre des menteurs. Et ce hadith est authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari, rapporté par l'imam Muslim. Le mensonge est une des caractéristiques des hypocrites, les créatures qui seront plus bas de l'enfer. Le prophète sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, certes les hypocrites iront plus profond de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les signes de l'hypocrite sont au nombre de trois. Les signes de l'hypocrite sont au nombre de trois. Et cette liste n'est pas exhaustive. Il nous dit, lorsqu'il parle, il ment. Voici la première caractéristique de l'hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que l'hypocrite est humilié. Nous montre que l'hypocrite n'a aucune part dans ce bas monde. Et qu'il vivra avili. Il a vu dans un rêve, où il s'est vu dans un rêve accompagné de deux anges. C'est alors qu'il passa près d'un homme qui était allongé, et il y avait une autre personne debout devant lui, en tenant à la main un instrument en fer, arrondi, courbé à l'extrémité. Celui-ci faisait introduire le crochet dans sa joue. Celui-ci faisait introduire le crochet de fer dans le coin de sa bouche. Puis il le tirait jusqu'à ce qu'il eût ramené le coin de la bouche. Et une narine et un œil vers la nuque. Et dans une version, certains ont dit il fendait. Donc il lui déchirait les parties du visage. Lorsqu'il finissait avec un côté, il passa à l'autre côté. Et le premier côté retrouvait son état initial. Et il recommençait cela. Et il recommençait cela à nouveau. Wallahu al-musta'an, ce supplice se répétait. Puis on informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette personne qui subit ce châtiment. On lui a dit à la fin du hadith, c'est l'homme qui sort de chez lui. Profère des mensonges qui atteignent l'horizon. La personne sort de chez elle, elle se met à mentir et ses mensonges se répandent sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Le grand savant Abdul Razzaq Al-Badr, le savant de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et au jour d'aujourd'hui on vit ces choses-là, ceux qui se trouvent derrière leurs ordinateurs et tapent sur leur clavier avec des noms empruntés. Et ils mentent. Et ils sèment le désordre sur la terre. Ou comme a dit Hafidhahu Allah Ta'ala. Donc craignez Allah, chers frères. Voici la rétribution des menteurs. Le menteur ne cesse de transmettre de mauvaises informations. Et la pire forme de mensonge est le fait de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur sa religion. Allah nous dit dans son livre, et qui est plus injuste que celui qui ment sur Allah afin d'égarer les gens sans science? Certes, on ne guide pas les gens injustes. À l'image de celui qui dit, Allah a dit cela, Allah a ordonné cela, Allah a interdit cela. En mentant sur la religion d'Allah et sur son Seigneur, Subhan. À l'image des savants de l'innovation qui émettent des fatawas et trompent les musulmans et la masse des musulmans, ceux qui n'ont pas la capacité de revenir au livre d'Allah, Subhan, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou n'ont pas encore été gratifiés par la connaissance des savants de la sunna. Allah Azza wa Jal nous interdit dans le Coran de parler avec nos langues en mentant, en disant telle chose est permise et telle chose est interdite, en propageant ainsi le mensonge sur Allah. Puis il nous dit que ceux qui mentent sur Allah ne réussiront jamais. Et parmi les pires formes de mensonge, le fait de mentir sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ment sur le prophète est comme celui qui a menti sur Allah, car c'est le messager d'Allah subhanahu wa alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui ment sur moi volontairement, qu'il s'apprête à entrer en enfer. Dans l'autre hadith, celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place dans le feu de l'enfer. Et parmi les plus grandes formes de mensonges, le fait de mentir sur les héritiers des prophètes, qui sont les savants de l'islam, certaines personnes dépourvues de pudeur, et qui n'ont pas reçu l'éducation tirée du Coran et la Sunna, se permettent de parler sur les savants de l'islam, de les dénigrer, de les rabaisser, et de mentir sur eux. Alors que ces derniers n'ont même pas mis la moitié d'un pied dans la science, et ne sont ni connus, ne sont pas connus ni pour leur da'wah, ila tawhid wa ila sunnah, ni pour leur piété dans l'adoration. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux qui mentent sur les héritiers des prophètes sont les grands menteurs, et en majeure partie ce sont les innovateurs et les gens qui ont une maladie au cœur. Et souvent cela est dû aux mauvaises fréquentations. Donc prenez garde à fréquenter les gens qui ont une maladie au cœur et qui dans leurs assises parlent en mal des savants de la sunna. Parmi les formes de mensonges, le mensonge entre les gens qui vise à s'accaparer les biens d'autrui ou à empêcher les biens d'autrui de s'acquitter des biens d'autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite que parmi les plus grands péchés, il y a le mensonge et le faux témoignage. Et c'est connu que certaines personnes volent les terres et les maisons de personnes de leur propre famille, car ils se trouvent à l'étranger ou lorsqu'il y a un héritage, et ils se permettent de faire de faux témoignages pour avoir cette part dans le dunya. Ils oublient Allah Azza wa Jal et le retour vers lui dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie rien, et il est juste subhanahu wa ta'ala. Parmi les pires formes de mensonges, le mensonge dans la vente et le commerce. Nombreux sont les commerçants qui, pour vendre leurs marchandises, exagèrent dans la description de leurs biens et transgressent les limites d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les commerçants sont les transgresseurs, c'est-à-dire ceux qui mentent et jurent pour pouvoir vendre leurs marchandises. Parmi les formes de mensonges, le fait de promettre quelque chose et de ne pas tenir ta promesse, ou le fait de donner rendez-vous à quelqu'un en ayant l'intention de ne pas t'y rendre, sauf pour celui qui a une excuse. Parmi les formes de mensonges qui sont très répandues à notre époque, le fait de mentir afin de faire rire l'assemblée. Le fait de mentir afin de faire rire l'assemblée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et la personne, ou bien il nous dit: malheur à la personne qui ment afin de faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui. Il a répété cela 3 fois. Et parmi les formes de mensonges, le théâtre, ceux qui prennent l'apparence ou se font passer pour d'autres personnes afin de faire des pièces de théâtre. Et on a même vu des personnes s'affiliant à la prédication, à la da'wah, faire ce péché dans une des mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là n'ont pas compris le chemin du prêche et de la da'wah. Et une de ces personnes-là n'habite non loin d'ici. Et il s'appelle Nader Abou Anes. Et il fait des cours à la mosquée du Bourget. Et le deuxième qui a fait cela avec lui s'appelle Abou Hudaïfa. Et ces gens-là se sont égarés dans la manière de prêcher Allah subhanahu wa ta'ala. Et je cite ces deux noms pour conseiller les musulmans et les mettre en garde contre le suivi aveugle de ceux qui n'ont pas emprunté comme chemin de prédication le chemin des prédicateurs parmi les savants de l'islam et de la sunna. Et ces pièces de théâtre sont fondées sur le mensonge. Et sachez, chers frères, tout comme le mensonge se commet avec la langue, il se commet également avec les membres et avec les intentions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que parmi les premiers qui seront mis en enfer, une personne qui est en apparence martyr, un autre qui dépense de l'argent et un autre qui est savant. On leur demandera le jour du jugement dernier pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces bonnes actions. Ils diront pour Allah, pour toi ô Allah. Et on leur dira tu as menti, tu as fait cela pour qu'on dise de toi telle chose et telle chose et telle chose comme éloge. Et en effet on l'a dit. Et aujourd'hui vous n'aurez aucune récompense de ma part. Et ils seront amenés, traînés et jetés dans le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Pourquoi cela? Car ils ont menti dans leur intention. Ils ont fait de bonnes actions avec une mauvaise intention. Et prenez garde aux rumeurs et aux informations qui vous sont transmises par les gens connus par leurs mensonges ou les gens des tentations, de l'innovation et des troubles. Car ces derniers nuisent à la société. C'est pour cela que le prophète, que Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, lorsque l'information nous provient du pervers, il nous faut la vérifier. Il nous faut la vérifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre même que c'est lui qui délaisse le mensonge. Allah Azza wa Jal lui réserve une place au paradis. Il nous dit, je garantis une maison au paradis, au milieu du paradis pour celui qui délaisse le mensonge, même si c'était pour plaisanter. Celui qui délaisse le mensonge, même lorsqu'il plaisante, Allah Azza wa Jal lui donne une maison au milieu du paradis. Et pour finir, sachez que ce mensonge qui se répand est dû à notre manquement dans l'éducation de nos enfants. Certains parmi les parents, lorsque le téléphone sonne ou la porte, ils disent à leurs enfants, dis que je ne suis pas là. Ceci est du mensonge. Ceci est du mensonge et ainsi ils éduquent leurs enfants sur le mensonge. Et ces derniers grandissent avec cette mauvaise caractéristique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas permis de mentir si ce n'est dans trois situations où il y a un bien. Le premier cas, durant le combat, il nous dit la guerre est une affaire de tromperie. Le deuxième cas, lorsque tu veux réconcilier entre les gens, tu vas voir la première personne et tu lui dis du bien de l'autre et tu lui dis qu'il regrette et ce genre de paroles. Tu vas voir la deuxième personne et tu lui dis que l'autre a fait ses éloges et qu'il regrette. Et ainsi tu réconcilies entre ces deux personnes. Et le troisième cas, c'est les paroles que l'homme dit à son épouse afin d'avoir son agrément et de la tranquilliser, et les paroles que prononce l'épouse à son époux afin d'avoir son agrément et de le tranquilliser. Voici les trois cas qui nous ont été cités dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fattakullaha fil kadhib. Donc craignez Allah azza wa jal, éloignez-vous de du mensonge. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وارفع درجاتنا في الجنة واغفر لنا يا ربنا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف أمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Après la prière, il y a une personne qui est venue se convertir à l'islam. Bienvenue. Il s'appelle comment ? Jean-Emmanuel. D'accord. Alhamdulillah. Wa ba'd. Donc, l'homme que vous voyez à ma gauche se nomme Jean-Emmanuel. Il est venu à la mosquée en ce jour de fête chez les musulmans pour embrasser l'islam. Et pour ce faire, sache que tu dois reconnaître qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée, si ce n'est Allah. et que tout ce qui est adorant en dehors de lui ne mérite pas l'adoration. Tu dois également reconnaître que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien l'envoyé, le messager d'Allah. Est-ce que tu avais une religion particulière avant cela? Oui. Laquelle? Le christianisme. Le christianisme. Donc tu dois également savoir que Jésus, Isa alayhi salam, n'est pas le fils de Dieu. Dieu n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté. Il est pur et n'a aucun besoin. Tu dois également savoir que la mère de Jésus, Marie, Mariam alayhi salam, c'est une femme pure, une femme sainte, une femme véridique. Mais ça n'est pas la mère de Dieu. Est-ce que cela est compris? D'accord. Donc tu vas répéter l'attestation de foi. Ce que je vais te dire en arabe, tu vas le répéter, ça veut dire j'atteste, je témoigne qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration excepté Allah. Et j'atteste et je reconnais également que Mohammed est le serviteur et messager d'Allah. D'accord? Donc tu répètes après moi en disant Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi bi tatimmu salihat. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الإسلام وعلى السنة وأن يسر له سبل الهدى كما أسأل تبارك وتعالى يثبتنا وإياكم على صراط المستقيم وأن يتوفنا مسلمين. Félicitations Jean-Emmanuel. Sache Jean-Emmanuel qu'après ta conversion, la personne musulmane doit accomplir 5 prières. Est-ce que tu veux faire cette prière? Oui. D'accord. Donc tes amis, ceux qui sont venus avec toi, vont t'apprendre à faire tes ablutions et faire la prière. Et avant de laisser tous tes frères que tu vois là devant toi te féliciter pour ta conversion, je t'annonce la bonne nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'islam efface tout ce qui est passé avant. La personne qui se convertit à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface tous ses péchés passés. Allah ta'alik. Félicitations. Et au nom de la mosquée, on va t'offrir un cadeau. Ce soir, entre le Maghrib et l'Isha, on reprend le cours de l'Usul al-Thalatha. Et le samedi, vous avez le cours avec le frère Sadaq Abu Yahya sur al-Shama'il. Et on demande au frère, lorsqu'il sort de la mosquée, de ne pas gêner le passage. Barakallahu fikum. Salam alaykum. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam.